belle émission sur Sergio Leone. Merci Blockbuster pour cet épisode sur le bon, la brute et le truand. La chose qui m'a le plus choqué, j'ai appris ça récemment, c'est que le père de Sergio Leone avait dû cesser de filmer en tant que réalisateur à cause du fascisme, et Sergio a quand même tourné la trilogie du dollar sous Franco. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la scène du pont, elle est mythique parce que il a fallu construire le pont parce que Sergio Leone voulait un vrai pont, et du coup il a commandité à l'armée espagnole la construction du pont. Et les figurants des gens de l'armée de Franco et des paysans. Et le jour de l'explosion, afin qu'elle soit vraiment réaliste, Sergio Leone, il se rend à sa caméra. Voilà. Et il y a un technicien qui envoie un signe à un de ses collègues, et le général croit que c'est le signe pour faire sauter le pont. Et là, bam, le mec fait exploser le pont alors qu'il n'y a rien qui tourne. Pas mal, Sergio. À bientôt. To be or not to be, not to be. Selon vous, combien de temps on peut encore vivre cette consommation effrénée de divertissement? Cette orgie de séries au budget pharaonique disponible chaque semaine sur des plateformes telles que Netflix, Disney Plus ou Amazon Prime. Parce que, soyons honnêtes, pour un abonnement d'environ 15 euros par mois, ce qui peut déjà être énorme pour un foyer modeste, ça va être de plus en plus difficile d'exiger chaque semaine des séries Star Wars, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones ou je ne sais quoi, avec des effets spéciaux dignes d'un film à gros budget. Demandez à un artisan de vous repeindre la chapelle Sixtine dans votre salon pour le budget d'un kebab, salade, tomate, oignon, il va vous inviter à cuisiner votre océan à la plancha. Déjà aux États-Unis, les techniciens des effets spéciaux sont au bout de leur vie. Cadence de travail infernale, sous-payés, leur ordinateur, c'est leur ami, leur lit, leur salle à manger et leur toilette. Ils reçoivent des changements de scénario à la dernière minute parce que suite à une bande-annonce qu'ils avaient déjà pas eu le temps de finir, il y a une partie des fans qui veulent brûler la Maison Blanche parce que les mollets de Miss Hulk ne sont pas assez gros. Pour peu qu'à la fin, pour des raisons de business, on vienne leur dire que la série ou le film ne sortiront finalement jamais, qu'on efface les fichiers et qu'on retire du marché toute trace de leur travail depuis 5 ans sans aucun droit de regard, il y a de fortes chances qu'ils se jettent par la fenêtre pour avoir une discussion avec Mère Nature. Donc combien de temps tout cela va-t-il durer ? On a tous bien compris que derrière la nourriture livrée à domicile, il y a souvent un ouvrier exploité et sous-payé qui pédale sur un vélo au risque de sa santé. À quel moment on va comprendre que les artisans des effets spéciaux, les scénaristes, les techniciens, sont en train de devenir lentement mais sûrement les livreurs Uber du divertissement ? France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. Au commencement, il y a un jeu sur ordinateur PC, LOL, l'acronyme de League of Legends. Un jeu où deux équipes de 5 joueurs s'affrontent en ligne dans une arène. Un jeu qui, au fur et à mesure, a passionné des millions de joueurs de par le monde. Les championnats de League of Legends sont des événements sportifs qui ont pu attirer jusqu'à plus de 40 millions de spectateurs. Mais LOL, c'est aussi un univers d'une richesse phénoménale qui n'a eu de cesse de se développer sur d'autres supports, comme ce fut dernièrement le cas avec l'incroyable série Arcane du studio Fortiche. Pour tenter de vous faire découvrir cet univers, j'ai avec moi Julie Jadot, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes brand manager à Riot Games France et vous vous occupez de League of Legends Wild Rift, la version mobile d'Arcane. Exactement, de League of Legends. De League of Legends. Avec nous également Jean-François Maurice, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous officiez à Jeux Vidéo Magazine. Tout à fait, magazine consacré, comme son nom l'indique, aux jeux vidéo. Et avec nous, Clémence Duneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Vice France, spécialisée en jeux vidéo, e-sport et culture web. Tout ça, et oui. Les présentations sont faites, on n'a oublié personne en route, et bien que la partie commence. De retour, mesdames, messieurs, pour la dernière game, en tout cas dernière BO, évidemment, de cet Open Tour, deuxième split d'Open Tour France, avec Lunari qui était champion de France, qui remettent leur titre en jeu, mais cette fois-ci face au On Sait Pas, avec une line-up incroyable. Exactement, les On Sait Pas extrêmement solides. On les a vus deux fois, ça a été deux stomphs extrêmement solides, une composition un petit peu montée autour de Tokui, les meilleurs de talent, et peut-être les meilleurs adversaires pour aller faire s'incliner les Lunari finalement en finale. On vient d'entendre un extrait d'un commentaire d'une compétition de League of Legends où je n'ai strictement rien compris. Donc, Julie Jeannot, qu'est-ce que c'est League of Legends ? Alors, League of Legends, bah, comme tu l'as très bien dit en intro, du coup, c'est ce qu'on appelle un MOBA, donc un multiplayer online battle arena. C'est-à-dire qu'il y a 10 joueurs en ligne qui vont s'affronter en 5 contre 5 pour détruire en fait la base adverse. Donc, c'est assez simple comme jeu. Mais derrière, du coup, il y a toute une stratégie pour bien avancer avec l'équipe, bien communiquer, etc. Et c'est devenu un jeu qui est très compétitif parce que rien que déjà sur le client, on peut jouer en ce qu'on appelle du coup des parties classées et monter de rang de plus en plus haut jusqu'à atteindre potentiellement le challenger qui est le rang le plus haut, voire devenir joueur pro qui est vraiment du coup un métier aujourd'hui à part entière comme un joueur de football et qui est un joueur professionnel de ligue et qui va aller jouer en différentes compétitions. Et donc quand on commence la partie, on est d'accord que tous les personnages sont tous les joueurs sont logés à la même enseigne, ils ont des personnages qui n'ont pas d'avantage par rapport aux autres. Exactement. Qu'on vienne de commencer le jeu ou que ça fasse 10 ans qu'on y joue, quoi qu'il arrive, on est logé à la même ancienne. On commence au niveau 1 avec un personnage qui a aucun équipement, qui est à poil. Et on va avancer dans la partie comme ça. Donc très rapidement, il faut récupérer justement de l'équipement voilà, pour constituer un personnage qui soit un peu plus solide et qui aille plus loin. Mais forcément, les joueurs qui ont un peu plus d'expérience et qui connaissent les mécaniques de jeu, si on se retrouve en face d'eux, même si on est un débutant, ça peut être un peu compliqué. Oui, parce qu'ils ils connaissent les stratégies, ils savent quel objet équiper, ils savent comment jouer. Ils ont aussi, la mémoire dans la main pour jouer avec la souris, quel mouvement faire, où se positionner. Donc il y a quand même un avantage de jouer depuis longtemps. Mais sinon, chaque partie est remise à zéro à chaque fois. Clémence Duneau, qu'est-ce que ça représente, LOL, dans l'esprit et la galaxie du jeu vidéo ? Waouh, c'est une bonne question. C'est difficile à dire. Je dirais que déjà, c'est un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Ça, c'est indéniable. C'est un jeu dont tout le monde a un petit peu entendu parler. Tout le monde a un frère, une sœur, un cousin qui a déjà joué à League of Legends. Et forcément, on l'a un peu dit au tout début, mais l'e-sport, les compétitions de jeux vidéo, en fait, celles de League of Legends ont quasiment révolutionné en fait l'e-sport, ont amené l'e-sport à un niveau phénoménal, on va dire, par rapport à ce qu'il était avant. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui a joué énormément, notamment au niveau des médias, au niveau de la culture populaire. League of Legends, c'est un nom qui résonne parce que c'est un nom qui porte. Et c'est un nom où on va parler des stades qui sont remplis pendant les compétitions League of Legends. Donc oui, forcément, c'est un jeu phénomène. Et puis là, dernièrement, en plus, avec une série comme Arcane qui a eu une popularité assez exceptionnelle. Et qui l'a fait connaître un tout nouveau public, en plus. Complètement, complètement. Donc là, difficile à dire, mais oui, forcément, League of Legends est un jeu culte. Jean-François Maurice, à quel moment avez-vous découvert League of Legends ? À sa sortie, en 2009. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu du jeu vidéo, donc l'avantage, c'est que j'en ai vu sortir beaucoup. Mais 2009, effectivement, c'est aussi assez amusant, parce que c'est l'année aussi où Minecraft va commencer, 2009. Et ces deux jeux ont un destin. Alors, ce sont deux jeux complètement différents, Minecraft et League of Legends. Et pourtant, ça fait 10 ans que tout le monde joue toujours à Minecraft et League of Legends. Parce que la force de League of Legends, et c'est pour ça que l'histoire de la société Riot Games derrière est intéressante aussi sur les dernières années, entre autres, c'est que c'est un jeu qui va se jouer, qui ne change pas, ou quasi pas. Il y a des mises à jour, mais on va dire que globalement, c'est le même jeu depuis le début. C'est le même jeu depuis 10 ans. Ça va être plus de 10 ans maintenant. Aussi, on a fêté les 10 ans en 2019. Pendant 10 ans, les gens ont joué au même jeu. Et pourquoi avec des contenus additionnels ou des nouvelles saisons? Entre autres, des personnages, enfin, ce qu'on appelle les champions. Si à un moment je dis des bêtises, Julie me fera signe, etc. Mais ce sont les champions. Je pense qu'aujourd'hui, il doit y en avoir environ 162 différents. Je dis pas de bêtises. Et ces personnages-là vont renouveler. Après, il y a des typologies de personnages, si vous voulez. Il y a des personnages pour le combat, d'autres pour la défense, etc. Donc, une fois encore, ce qui est intéressant dans le jeu, et c'est pour ça que ça se renouvelle, c'est que c'est un vrai jeu tactique, un vrai jeu où il y a des stratégies. C'est-à-dire que, j'ai envie de vous dire, les échecs, on y joue depuis un certain temps, a priori. Et c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut comprendre pour visualiser League of Legends, c'est que League of Legends, une carte de jeu League of Legends, c'est un carré. C'est un carré avec une parfaite symétrie. Voilà. Et après, il y a trois chemins. Effectivement, c'est toujours les mêmes. C'est toujours la même carte, hein, en gros. Enfin, voilà, vous pouvez changer les couleurs, mais c'est toujours la même carte. Et donc, à partir de ces éléments qui sont identiques, qui sont systématiques, il va falloir élaborer des stratégies. Et donc, entre autres, faire élaborer des stratégies en équipe, d'où l'importance voilà, du dialogue, de se coordonner avec les autres. C'est un vrai jeu d'équipe, et c'est pour ça qu'il se porte bien aussi pour l'e-sport. Vous parliez tout à l'heure vous disiez, je n'ai rien compris. Je voudrais juste faire une parenthèse. Je pense que moi, je mets mes enfants qui sont jeunes devant une partie de tennis, on va leur parler d'ace, de break, de machin, ils vont rien comprendre non plus. Ça illustre juste que, en fait, League of Legends est un sport et que, comme tout sport, il a son jargon, en fait. Et c'est vrai que, néanmoins, c'est une porte d'entrée préalable, c'est qu'il vaut mieux connaître 2-3 mots et 2-3 choses pour comprendre League of Legends. Et sur quel support ça s'est développé? Parce que moi, je suis plutôt joueur de console. Et en fait, League of Legends, c'est évidemment un phénomène dont on a entendu parler, mais qu'on a moins vécu en tant que joueur de console que les joueurs de PC, qui d'ailleurs nous le disent suffisamment avec un air de dédain, genre bah oui, nous on est sur ordinateur, c'est avec ma grosse tour, on joue à League of Legends, etc. Donc comment ça se fait que ça n'a pas été pour eux? Non, mais pourquoi nous on n'y a pas eu droit? Déjà, je pense qu'il faut retourner à l'histoire du coup de la création de Riot Games. Riot Games a été créé par deux passionnés de jeux vidéo, de gamers qui jouaient à la base à un mode de jeu de Warcraft qui s'appelait Dota. Et qui adoraient ce mode de jeu, et ils se sont dit un jeu pareil, ça mérite de vivre à part entière et pas dépendamment d'un moteur qui en plus était vieillissant, etc. Et du coup, ils sont... Oui, donc en fait, League of Legends est bien un cousin éloigné de Warcraft. Tout à fait. En fait, c'était à la base, c'est inspiré d'un mode de jeu de Warcraft qui s'appelait Dota et qui maintenant est devenu aussi un jeu à part entière, mais qui est sorti après League, du coup. Et même aussi, d'ailleurs, un dessin animé aussi. Oui. Tout à fait. Et du coup, ils sont partis et ils se sont dit, on va créer League of Legends en tant que fan. Et nous, on joue sur PC. Et pour eux, c'était un jeu qui aussi était adapté pour PC et pas forcément pour console. Et ils sont partis de là, en fait. C'est vraiment une bande de potes qui vont créer un jeu qu'ils aiment et qui vont le développer comme ça. Donc, League a été créé comme ça. Et en fait, a cartonné dès le début parce que pour plusieurs raisons différentes. Déjà que le jeu était attirant, les gens l'aimaient, et surtout il était très facile d'accès parce qu'il était en free-to-play. Et à l'époque, free-to-play, gratuit. Du coup, c'est-à-dire gratuit. Et à l'époque, ça n'existait pas. Oui. Parce que c'est vrai qu'avant, les jeux gratuits qui existaient, c'était ce qu'on appelait des pay-to-win. C'est-à-dire que ce qu'on achetait en jeu, ça nous donnait des avantages quand on jouait. Sur League, c'est pas le cas. Tout ce qu'on achète, c'est purement du cosmétique, ça donne aucun avantage. Donc c'était très facile d'accès, on pouvait essayer le jeu sans payer, y accrocher et rester. Et du coup, ça a très vite pris, puis il y a l'e-sport aussi qui est très vite arrivé, etc. Mais du coup, à la base, pourquoi PC seulement? Je pense que c'est parce que ça a été par ces passionnés-là, qui étaient des joueurs PC. Et aujourd'hui, on se développe maintenant sur plus de plateformes, notamment du coup, la version mobile avec Wild Rift, et des futurs jeux qu'on aimerait aussi lancer potentiellement sur console. Et justement, c'est intéressant ce développement vers le portable, parce que je parlais un petit peu de cette guerre gentille hein, entre PCistes et joueurs de console, mais il existe encore un domaine bien plus compliqué, les joueurs console et PC, et les joueurs mobiles qui ne sont carrément pas considérés comme des vrais joueurs. Donc comment ça a été vécu quand League of Legends s'est développé sur un format tel que le téléphone, qui en plus est un format qui est de plus en plus utilisé par de nombreux joueurs? Je sais qu'il y a des auditeurs qui jouent plus sur téléphone que sur console ou autre chose. Tout à fait. Et très bien. Je pense déjà... Aujourd'hui, ça commence à changer cette vision un peu du joueur mobile parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de jeux qui prennent de la place. Il y a aussi des compétitions qui se créent sur mobile, et ça bien avant qu'on sorte nous Wild Rift. Et le fait que ce soit pas non plus un copier-coller de League, mais que ce soit vraiment en fait, le jeu, clairement, c'est du League, mais c'est pas League porté sur mobile. C'est un jeu qui a été développé pour mobile, et quand on y joue, c'est quand même assez différent. Donc il s'adresse vraiment aux joueurs de mobile. Donc il n'y a pas eu cette sorte de concurrence, parce que les joueurs PC restaient sur PC et les joueurs mobiles allaient sur Wild Rift. Donc ça s'est bien passé, heureusement. Alors je dois avouer que j'ai toujours regardé le phénomène LOL de très loin, et comme je l'ai dit, étant plus un joueur de console. Cependant, la série Arcane a été une telle claque que ça m'a forcément décidé de m'y intéresser. On écoute Enemy d'Imagine Dragons, le générique de la série Arcane. Of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you your enemy. But I'm ready. Your words up on the wall as you're praying for my phone, and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in a mind. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking sack and pack it. Pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest, it don't matter, cause we is your Ennemi d'Imagine Dragons, le générique de la série Arcane dans Blockbuster sur France Inter. Le magnifique joueur courut vers une ville engloutie, car il devait de l'or et du sang, mais n'en avait pas à revendre. Seul et désespéré, il était sur le point de renoncer. C'est alors qu'il entendit une chanson qui l'appelait, qui l'invitait à retenter sa chance. Son interprète était une créature dont la bouche était la plus grande que le joueur eût jamais vue. « Pardonnez ma chanson, » fit la sirène monstrueuse. « Je ne cherchais qu'à attirer votre attention, car je savais que vous aviez des ennuis et je peux vous offrir le pardon. »« Pouvez-vous me sortir de ce pétrin ?» demanda le joueur. « Mon garçon, le monde est une rivière et j'en suis le roi. » Il n'est nul endroit où je n'ai été, et nul endroit où je ne peux retourner. Un extrait d'une des nombreuses cinématiques qui accompagnent League of Legends. Clémence Duneau, initialement, le jeu a failli s'arrêter. Bah, au début, effectivement, d'ailleurs, je tiens à dire que j'ai reconnu, donc c'est le personnage de Tahm Kench qui est très sympa, que j'aime beaucoup dans le jeu. Pour venir à la question, oui, en fait, au départ, c'est-à-dire que les deux fondateurs et deux créateurs de Riot Games étaient surtout des businessmen et donc forcément n'avaient pas énormément de compétences, on va dire, en développement de jeu. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils avaient fait une compétition, ils avaient organisé une compétition de Dota, donc leur jeu fétiche, pour essayer de recruter des développeurs. Et en fait, au début, ils avaient construit un jeu qui s'appelait même pas League of Legends, qui s'appelait Onslaught. Et en fait, ça a été très mal accueilli. Puis en plus, si on rajoute le côté free-to-play, qui n'était pas du tout admis, on va dire, dans la communauté à l'époque, en fait, personne ne croyait au jeu. Même les développeurs eux-mêmes n'avaient pas envie de jouer à ce jeu-là. Jusqu'à ce que, effectivement, vers 2008, il me semble, ils ont changé le nom, ils ont un peu évolué leur façon de faire. Et ensuite, oui, le succès a été assez immédiat. Et alors, ce qui est marquant, c'est que même dès les premières compétition, donc dès la sortie 2008-2009, il y avait presque 10 fois plus de joueurs qui regardaient les compétitions de League of Legends aux événements que n'importe quel autre jeu, en fait. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, ce changement entre le début et finalement la sortie finale et heureuse, on va dire, de League of Legends. Et ce qui m'a frappé dans la conception de ces champions, Jean-François Maurice, c'est que dès le début, on a affaire à des personnages mais très chiadés en termes de style, en termes de design, alors qu'en fait, ça se passe dans une arène et que techniquement, bah, on voit des personnages qui se battent les uns contre les autres, mais ils n'avaient pas besoin d'avoir une culture ou toute une mythologie hyper importante derrière eux. Et pourtant, quand on regarde un dessin, c'est hyper stylé. Donc, comment ils ont réussi déjà à trouver des illustrateurs aussi doués qui ont créé un petit peu l'identité visuelle de... Alors, pour comment ils ont recruté, je pourrais pas vous répondre parce que je suis pas chez Riot, mais je serais curieux de le savoir. Après, il y a deux choses néanmoins. Il y a tout d'abord le style des champions. Donc, les champions, ce sont les personnages qu'on incarne dans le jeu. Ce sont les héros et héroïnes. Donc, je le redis, aujourd'hui, il y en a 160 différents. Donc, effectivement, ils ont un look de folie. Il y a un design chez Riot. Ils ont des designers de dingue, c'est pour ça qu'on pourra d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais admirer leur travail l'année prochaine au musée Art Ludique à Saint-Lazare, parce que voilà, il y aura tout un espace dédié à la création des champions sur League of Legends. Quelque chose qui est en route. Donc en tout cas, il y a ce travail, il y a ce design, mais à la base, en fait, là vous évoquez un background sur des personnages, etc. Il n'y a pas de background à la base. Enfin, d'un point de vue narratif, parce que League of Legends n'est pas un jeu narratif, c'est très pauvre League of Legends au tout début. Et on en discutait tout à l'heure avec Clémence, mais effectivement, c'est plus tard que ce qu'on appelle le lore. Alors c'est un mot un peu qui vient, c'est un peu aussi du jargon du jeu vidéo, c'est-à-dire oui, folklore, tout l'univers, en tout cas, a été écrit bien plus tardivement. C'est-à-dire qu'à un moment, parce qu'il y a eu des interrogations, entre autres de la communauté, qui disait oui, mais tel perso, c'est quoi leur rapport? Et donc chez Riot, ils ont commencé à écrire toute une histoire, voilà, qui aujourd'hui apparemment fait des milliers de pages ou des centaines de pages. Voilà, oui. Il y a vraiment un univers qui a été créé, mais c'est a posteriori. C'est a posteriori. Et donc Julie Janon, on est d'accord que initialement les premiers personnages c'était juste l'expression artistique pure d'artistes qui se disaient tiens moi j'aimerais bien un guerrier, moi j'aimerais bien un ninja et c'était à donner libre cours à leur imaginaire. C'est ça. D'ailleurs pour l'anecdote, il y a des champions qui étaient inspirés du coup de personnes que les développeurs connaissaient. Par exemple, il y a le fameux Tryndamere et Ryze qui représentaient du coup Brandon et Mark qui dans l'inverse plutôt. Qui du coup ont créé des personnages qui leur semblaient, qui leur parlaient. Et Ashe, qui est une archère, est en fait inspirée de la femme de Mark qui s'appelle Ashley. Et en fait, ils ont créé des personnages qui en effet n'avaient pas d'histoire derrière. Et ça a été que après sur la demande et l'envie des joueurs que toutes ces histoires ont été créées. Pardon. C'est pour continuer justement. Il me semble que c'est en 2014 où ils ont fait une refonte complète justement de tout l'univers, puisqu'à l'origine l'histoire de League of Legends c'était qu'il y avait des summoners, donc j'ai pas les invocateurs, qui invoquaient donc ces fameux champions, ces fameux personnages, et c'était un peu comme ça que l'univers était créé au départ. Sauf que plus ils ont créé de nouveaux personnages, plus ces personnages ont commencé à avoir des histoires un peu entre eux, moins ça faisait sens. Et du coup, c'est pour ça qu'en 2014, ils ont essayé de recréer un univers cohérent entre eux. Et pour revenir sur la force des personnages, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'avais interviewé Christian, donc un des showrunners de la série Arcane, qui m'avait dit qu'à l'origine, leur objectif, c'était de faire en sorte qu'un personnage plaise énormément à une toute petite communauté de personnes et pas de faire en sorte qu'il plaise à tout le monde. Mais d'en créer plusieurs pour que finalement chacun puisse trouver vraiment une histoire qui lui parlait, un personnage, un design qui lui parlait de façon individuelle et pas créer 100 bonhommes qui plairaient forcément à tout le monde. Et à quel moment les joueurs se sont emparés de League of Legends et en ont fait ces événements sportifs? Est-ce que ça a d'abord été organisé par des structures officielles ou c'est vraiment venu des joueurs? La façon dont League of Legends, enfin en tout cas Riot Games, s'est emparé de la question de l'e-sport est assez intéressante parce qu'en réalité, à l'origine, la plupart des compétitions d'e-sport étaient organisées par donc des organisateurs externes et les éditeurs ne mettaient pas la main à la pâte en quelque sorte. Et à l'époque, il y avait StarCraft, Counter-Strike, donc c'était plutôt Blizzard et Valve qui étaient les principaux acteurs. D'autres éditeurs. Exactement. Et en fait, quand ils ont fait leur premier championnat du monde, 2011, si je ne dis pas de bêtises, je crois, oui. 2011. Oui. C'était à la DreamHack, donc en Suède. Et donc, ce n'était pas eux qui géraient ça. Mais ils ont vu qu'il y avait un tel engouement, qu'il y avait en fait voilà, tellement de personnes qui étaient prêtes à regarder aussi ces compétitions, qui se sont dit, et si nous, on n'essayait pas de le faire nous-mêmes. Alors, la deuxième année des championnats a été un peu plus chaotique, mais petit à petit, ils ont développé une vraie même mythologie autour de ces compétitions, avec donc des musiques, des vidéos et tout ça pour faire monter un petit peu la sauce, je dirais. Et ça marche très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que c'est l'équipe européenne, donc des championnats européens, qui vient de sortir une vidéo où ils font du rap, où ils se moquent un peu des équipes. Enfin, c'est assez amusant, quoi. On est ensemble pour parler du jeu vidéo League of Legends et de son univers, mais pour le moment, on va marquer une courte pause en écoutant Marie-Fleur qui nous chante « Mal barré ». C'est mal barré, oh chérie, je te resserre un café, il est un peu serré pour que tu te fasses à l'idée que ce sera bien lui le dernier. Enfin, enfin c'est ce qu'on dirait. Encore une fois, l'amour s'arrête là. Encore une fois, il reviendra. C'est pas compliqué, oh chérie. Peut-être me suis-je emballé, ou c'est juste lui qui s'emballe. Moi qui me suis fait des idées et lui simplement désirer. Mais je sais qu'un jour viendra l'amour. Il a juste pris un détour. Marie-Fleur qui chante « Mal barré ». Popstar, réalisé un clip réalisé par le studio Fortiche pour Riot. Julie Janot, expliquez-nous un petit peu la genèse de cette histoire. À quel moment une industrie qui fait du jeu vidéo se dit tiens, on va produire un clip de Popstar? C'est une histoire. En fait, c'est que Riot, donc à la base, c'est que League of Legends. C'est même, il y en a seulement ce jeu-là, le S de Riot Games. On l'a vu très très tard. Et en fait, petit à petit, à la base, c'était des petites diversifications comme on va sortir une cinématique. Ah bah tiens, là, on sort un nouveau champion. Et si on essayait de faire une musique sur ce champion, parce qu'on a des musiciens internes à Riot, donc pourquoi pas essayer? Et en fait, on a vu que ça prenait bien. Et petit à petit, en fait, c'était vraiment étape par étape. On a commencé à plus en plus se diversifier au niveau des contenus et emmener League de plus en plus loin jusqu'à avoir carrément aujourd'hui, du coup, notre propre label de musique. Et notre propre équipe du coup qui s'occupe de développer tout ça. Et en fait donc chaque année pour les Worlds on sortait une musique, un hymne. Et une année on s'est dit on va sortir un hymne et puis en plus pourquoi pas créer un groupe de K-pop. Après tout on avait plein d'histoires, en fait il y a le lore de League of Legends mais il y a aussi plein d'histoires parallèles comme récemment Star Guardian par exemple qu'on a fait qui parle de Magical Girls. Bah là, on a créé encore un monde parallèle dans lequel il y avait un groupe de K-pop basé sur nos champions qui allait sortir une musique. La K-pop, ça a cartonné. Et puis, tant qu'à faire, on s'est dit, on va faire un clip. En plus, à ce moment-là, il y avait Fortiche, du coup, le studio d'animation qui crée Arcane, qui était en moment de pause parce que la série, on était en train de refaire le pilote, etc. Oui, parce qu'on va y venir. La première version a été retoquée. C'est beaucoup de fois. Et du coup, Fortiche, en attendant, on a du coup fait ces clips-là avec eux. En attendant de pouvoir relancer du coup la production d'Arcane, et c'est comme ça que KDA est né. LOL est un jeu qui a eu son lot de passionnés, mais toute passion entraîne des fois de la frustration, et LOL, malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est mauvais, c'est pire que le casino, frère. C'est mauvais, frère. C'est d'une stupidité remarquable, putain. Je vous jure, y a rien dans ma vie qui est nul. Mais depuis que je joue à LOL, voilà, depuis que j'ai repris LOL et que je me suis donné un objectif, voilà la zim, c'est trop nul, frère. Je m'énerve pour rien. Je suis tout le temps, je suis aigri, je suis triste. Alors qu'il y a que Jack, y a rien d'autre, frère. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué, c'est que le jeu tire sur votre patience. Qui a envie de jouer une partie à 3 contre 5 pendant 15-20 minutes? Tu sais que tu vas perdre, tu sais que tu vas subir, et tu sais que tu vas pas prendre de plaisir. Mais t'as toujours un connard dans l'équipe qui ne veut pas se rendre. J'ai une meuf, je mange bien, j'ai même un chien, The Bee. Tout ce que j'ai rêvé d'avoir, je l'ai eu, frère. Je joue à LOL, tout s'effondre, frère. C'est comme si j'avais plus rien. Voilà, c'est abusé. Nique LOL, frère. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Voilà, voilà, il y en avait gros sur le cœur, le monsieur. Jean-François Maurice, est-ce que effectivement on peut parler de ces joueurs qui pètent des câbles sur LOL? Est-ce que ça peut vraiment générer de la frustration et pas seulement du plaisir, ce jeu? Après, c'est paroles d'une haute portée philosophique, je vais avoir du mal à enchaîner, mais oui, mais comme tous les jeux qui sont des jeux compétitifs, j'ai envie de dire pas plus, pas moins. Et puis après, il y a des questions de communauté, les fameuses communautés toxiques, etc. Mais on sait bien que et c'est peut-être l'un des défauts de LOL, justement, c'est peut-être son manque d'accessibilité, à mon sens. Parce que ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'à un moment, quand on commence et qu'on se retrouve face à des gens qui jouent depuis 10 ans, assez désagréable. Ça va être rude. C'est très ça va être pénible. Il faut le savoir avant. Et à un moment, donc c'est pour ça, quand on commence à League of Legends, et on peut effectivement commencer n'importe quand, il faut commencer avec des amis, des gens qu'on connaît et des gens qui commencent aussi. Voilà, éventuellement un qui va initier les autres. Mais. Donc, voilà. Donc, quand vous allez mettre des gens qui s'opposent sur des parties, je crois qu'il y avait une histoire de chat vocal, mais qui avait été désactivée après, si je ne me trompe pas. Oui, parce qu'il y a eu des problèmes d'harcèlement sur LOL de certains joueurs un peu toxiques. Oui, oui, oui, ça arrive. Bah, comme il disait, du coup, c'est une communauté qui est déjà hyper passionnée. C'est des joueurs qui aiment le jeu autant qu'ils le détestent parfois, parce qu'ils ont, ils adorent. D'or y jouer, mais parfois c'est très frustrant parce que du coup ils y jouent beaucoup, pour certains vraiment beaucoup, et il y a ce côté hyper compétitif. Vous diriez trop de temps en temps ? Certains, ouais. Oui. En vrai, oui. Et du coup, comme il y a ce côté compétitif aussi de vouloir toujours aller plus haut, le fait de perdre une partie pas forcément de sa faute, peut-être parce qu'il y a eu une mauvaise communication avec l'équipe, etc. Ça peut être très, très, très frustrant et du coup amener à forcément des ressentis très, très négatifs lors d'une défaite. C'est quelque chose qui arrive et je pense que c'est très lié. Ce fait, c'est un mix entre le côté du jeu qui est très, très compétitif et le fait que ce soit des joueurs qui soient extrêmement passionnés et que du coup prennent les choses très, très à cœur. Donc voilà, oui, parfois, Ligue, ce n'est pas toujours agréable. Et donc, en interne, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait pour essayer de juguler ça, de juguler ce genre de comportement? Parce qu'il y a aussi certains articles qui n'ont pas été tendres, à raison, avec l'entreprise, avec Riot, avec la manière dont les femmes étaient traitées dans l'entreprise. Comment les changements se sont mis en place? Alors pour la partie jeu, du coup, en fait, on a une équipe qui s'occupe seulement de ça, du coup, de gérer comment est-ce qu'on peut faire pour justement qu'il y ait moins de mauvais comportements. Donc, on est passé par plusieurs stratégies. On a essayé d'abord de vraiment pointer du doigt les mauvais comportements et leur dire bah non, ça c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça. En fait, on s'est aperçu que ce qui fonctionnait le mieux, c'était au contraire de pointer les bons comportements et d'encourager les joueurs à avoir des meilleurs comportements. Du coup, on a sorti un système qui fait que à la fin de chaque partie, on peut honorer un joueur qu'on a considéré comme un bon joueur. Fair play, poli. Exactement. Donc ça, c'est un travail qui est toujours en cours. Là, aujourd'hui, je pense qu'on n'est toujours pas parfait là-dessus. Il y a encore beaucoup de choses à changer et chaque année, on ajoute des fonctions et on travaille encore là-dessus. Et on espère pouvoir régler le problème. Après, il y a le côté jeu compétitif qui sera malheureusement toujours là. Et sinon, pour la partie, du coup, par rapport aux soucis qu'il y a eu en interne, ça a été, pour le coup, un gros coup de pied dans la fourmilière, cet article, qui a entraîné énormément de changements en interne. C'était il y a quelques années, maintenant, je me souviens, moi, ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée. Il y a eu énormément de formations internes, il y a bien sûr des personnes qui, du coup, sont parties, ont été virées. Une sorte de gros nettoyage, de grosses remises en question. Et ça change, je dirais pas que c'est parfait, ça va vers le mieux. On reste dans le jeu vidéo qui est un monde très masculin, mais clairement ça tend vers la mieux et on voit beaucoup d'efforts qui sont faits, donc autant sur le jeu qu'en interne. Le cœur du problème, c'est ça, c'est que c'est des groupes qui se sont formés avant tout sur des bandes de mecs, en fait. Oui, exactement, c'était des bandes de potes, quoi, et dans une industrie qui était très très masculine. Donc oui, forcément, entre bandes de potes... Il y a du sexisme ordinaire assez régulièrement, mais ça, je pense qu'aujourd'hui, ils l'ont bien compris. Jean-François Maurice, c'est aussi quelque chose qu'on a vu aussi chez d'autres éditeurs, parce que c'est Ubisoft... Activision Blizzard, Activision. Ubisoft... non, c'est un vrai sujet, Julie le souligne, mais effectivement, parce que de façon historique, et on peut le regretter, mais il y a plein de raisons, pour l'expliquer en tout cas, c'est un milieu très très masculin, trop... et que c'est un milieu un peu aussi, enfin les années 90, le début vraiment des grandes années, c'est assez potage comme milieu, si vous voulez. Effectivement, il y a pas mal de mecs qui sont restés potes entre eux, etc. Et que c'est une industrie qui est encore très jeune et qui commence à se structurer, on va dire, depuis 10 ans vraiment. Et que aujourd'hui, voilà, les enjeux ne sont pas les mêmes. On est avec des sociétés qui sont toutes cotées en bourse. Enfin, j'ai envie de dire, ça se normalise. Voilà. Je pense que le cinéma à ses débuts, peut-être même plus longtemps, est parti aussi peut-être en live. Voilà. C'est regrettable. Le jeu vidéo, voilà, c'est une nécessité. En tout cas, aujourd'hui, il y a je pense à Women in Game. Je pense, voilà, il y a quand même beaucoup d'actions, des gens qui sont très mobilisés, très actifs pour justement apporter de la mixité et de la normalité sur des lieux de travail qui sont eux aussi normaux, en fait, in fine. D'ailleurs, on le voit à l'échelle de Blockbuster, l'émission existe depuis 6 ans. Le jeu vidéo, quand on traite de jeu vidéo, a été le domaine dans lequel il a été le plus rapide de rencontrer des joueuses, des intervenantes. Là où sur d'autres sujets, notamment le cinéma, il y a encore une mixité qui peine à se faire, mais qui se fait proportionnellement. Attention, hein, ce que je dis proportionnellement, ça veut pas dire que c'est encore parfait, mais plus rapidement dans le jeu vidéo que dans d'autres secteurs, type la bande dessinée ou même le cinéma. Alors je veux dire, pas assez vite, parce que vous voyez, moi j'ai organisé pendant 5 ans avec la Cité des sciences et de l'industrie des conférences, des masterclass avec des créateurs, je veux dire, co-masculins, et c'est pas faute d'avoir couru après des créatrices, je vous assure, des créateurs de jeux vidéo. Je n'ai jamais réussi à avoir une femme. Et pourtant, elles existent, elles sont là, mais on leur donne pas forcément la parole, on les expose pas, etc. Donc, à un moment, voilà, moi, je pense que il faut que l'industrie change et qu'à un moment, tout le monde a le droit d'avoir la parole. Et des créatrices de jeux, il y en a. C'est pas ce qu'il y en a pas. C'est que, voilà. Mais ce sont pas les personnes qui sont habilitées à parler. Voilà. Une fois encore, on est avec aussi des sociétés qui sont cotées en bourse. Donc, la communication est très contrôlée. On peut plus rien dire ou pas, en tout cas, vous pouvez pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous dites une chose, ça peut faire dévisser une action en bourse. Donc je comprends que la communication soit très très encadrée, mais en même temps, aujourd'hui justement, c'est l'occasion. Les femmes sont vraiment présentes dans les studios, chez les éditeurs, voilà. Donc à un moment, faut donner la parole à tout le monde. Clémence Duneau, quel est votre avis? Alors, vous êtes journaliste spécialiste en e-sport à Vice, vous êtes toute jeune. Quel est votre avis sur l'évolution de cette industrie? Ce serait, moi je trouve ça difficile à dire parce que forcément bon, c'est juste, on va dire mon avis, mon opinion. Je suis arrivée à peu près en 2015 et alors pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à jouer justement pour parler de la toxicité, ça m'avait tellement blessée, ça me faisait tellement peur parce que mes premières parties, alors je jouais avec mon copain donc qui était censé être là en soutien, mais en fait je finissais en pleurant et donc pendant 2 ans je ne jouais que des parties contre des robots parce que c'est possible de faire ça même si ça vraiment aucun intérêt, tellement j'avais peur justement de ce retour. Après, bon, je m'y suis mise. Et pour le coup, j'ai rarement eu de problèmes justement dans le milieu. 2015, en fait, j'étais en train de sortir de mon école de journalisme et mon sujet, c'était justement de parler des femmes dans l'industrie de l'e-sport. Et en fait, je voyais que les choses étaient déjà en train de changer, qu'il y avait de plus en plus de femmes qui arrivaient. Et finalement, moi, ça a presque été, on va dire, bénéfique. Alors ça m'arrange, enfin, j'aurais préféré l'inverse, j'aurais préféré que ce soit complètement normal, mais finalement, une femme qui parle d'e-sport et de jeux vidéo, je sens bien qu'on m'ouvrait plus facilement la porte parce qu'on se disait, ah, c'est rare, donc viens. Et même si j'étais pas du tout assurée et que j'étais un peu en manque de confiance en moi, je me forçais à y aller en me disant, non, c'est bien, il faut prendre la parole, même en tant que femme, même si ça te fait peur et que, et que c'est difficile. D'ailleurs, je redis aux intervenantes ou aux auditrices qui écoutent, si jamais vous estimez avoir un champ de compétences, ne doutez pas de votre légitimité. Il y a le numéro de téléphone de Blockbuster, il y a mon compte Twitter. N'hésitez pas, si vous voulez venir sur un sujet, il faut venir, c'est votre émission. Vous pouvez venir, quel que soit votre genre, n'hésitez pas, il faut le faire savoir, c'est tout. C'est bientôt la dernière partie de cette émission, mais comme le disent les Black Keys, ce groupe très sympathique. Et ben c'est pas fini. It ain't over. Money and love ain't no sure thing. You live for a thrill, you die for a dream. And when it comes around, you lay your money down. You got a love that's a real long shot. Breaking the bank for you. Incroyable. Là, je vais les ref. Ah, la game ref. Blockbuster. Ah, il y a eu de la belle game. Ça a été solide. Là-bas, il y a eu un Zach. Frédéric Sigrist. Papa. Sur France Inter. It ain't over the Black Keys. Les matériaux que j'ai utilisés étaient bien plus volatiles que je ne l'avais imaginé. Et je suis conscient à présent que mes actes allaient à l'encontre des règles de l'Académie. J'ai mis en danger la vie d'autrui. C'était irréfléchi de ma part et j'en suis sincèrement désolé. J'implore la clémence et le pardon du Conseil. Et j'espère que vous me laisserez poursuivre mes recherches. En tant que mécène de Jace depuis très longtemps, je me porte garante pour lui. Je pense qu'un jour prochain, il sera un atout considérable pour notre société. Il a détruit tout un bâtiment. Est-ce le genre de contribution que l'on peut attendre de votre atout? Si vous étiez un scientifique, vous sauriez qu'on ne crée pas un prototype sans briser quelques clés au passage. Avez-vous un quelconque travail à nous montrer, à part cette explosion? Non, ça n'a rien donné. Donc vous dites que vos recherches n'ont servi à rien? Elles étaient révolutionnaires. Et de quelle façon? Tout ce que je vois, c'est un jeune fou qui a les yeux plus gros que le ventre. Il semble que l'Académie ait assoupli ses critères de recrutement. La frontière est mince. Si on laisse passer, qu'est-ce qui nous attend après c'est ça? C'est tout à fait ridicule. Le Conseil a des sujets plus importants. On veut savoir pourquoi l'Académie finance de telles. J'essayais de créer de la magie. Un extrait de l'incroyable série Arcane, mon coup de cœur en termes d'animation ces derniers mois, dernières années. Julie Janot, comment est née l'idée d'Arcane? Alors l'idée d'Arcane, elle est née il y a très très longtemps, enfin il y a très très longtemps, il y a 6 ans à peu près, ce qui peut sembler long parce que la série est sortie l'année dernière. Ça venait du coup de Christian qui travaillait à Riot et qui avait intégré Riot justement avec la compagnie pour la composition musicale. Non, à la base il était player support. Il répondait D'accord. à des tickets des joueurs. Parce que dans le documentaire on le Mais voit. Mais après, voilà, en fait après il a commencé à évoluer et comme il était musicien, il a fait de la musique. Derrière il a créé du coup la partie de la boîte qui du coup se gère la musique. Mais à la base il répondait à des tickets, à des mails de joueurs qui se plaignaient de ce qui se passait. Une belle évolution du coup. Et en fait lui il s'était donc du coup il avait créé la musique de Vi à l'époque qui est du coup un des personnages principaux d'Arcane et derrière celle de Jinx aussi. Et ensuite, lui est venue l'idée d'Arcane. En plus, en parallèle, il y avait les joueurs qui regardaient les cinématiques, qui nous demandaient toujours un film. Finalement, on leur a donné une série animée, c'est plutôt pas mal aussi. Et du coup, il s'est un peu battu en interne pour pouvoir faire sa série, qui à la base était un peu une idée. Les gens en interne le regardaient en disant « Nous, on fait du jeu vidéo, en fait, on fait pas une série. » Et en plus, à l'époque, tout ce qui sortait de films et de séries dérivées du jeu vidéo, c'était franchement... C'était franchement mauvais. Ouais, c'était pas ouf, quoi. Donc, il y avait ce côté, League, ça marche bien quand même, si on fait une série qui est vraiment nulle, c'est pas fou, quoi. Donc, ils lui ont dit, bon, ok, parce que ça, c'est une des valeurs aussi qu'on a à Riot, c'est, en gros, on rêve grand et on peut réussir à faire des choses bien, faut pas se brider non plus. En plus, du coup, d'écouter une envie très forte qu'il y avait des joueurs par rapport à ça. Donc, ils lui ont dit, ok, vas-y, teste, fais un premier épisode. On va voir ce que ça donne. Et en fait, du coup, petit à petit, grâce à Christian, il a réussi à monter une équipe, à travailler en collaboration avec Fortiche, qui est un studio qu'il avait du coup repéré, studio parisien. Et qui avait l'habitude de travailler sur des clips plutôt, notamment avec Mickey 3D. Ouais, ils ont fait pas mal de clips musicaux. Et du coup, exactement. Commençait à faire des tests avec eux et au final, après beaucoup de péripéties, parce que le premier épisode a été écrit, puis réécrit, puis en fait on va revenir sur tout le scénario. Donc ça a pris beaucoup, beaucoup de temps à avancer. On a réussi à sortir la première saison d'Arcane, qui était un projet extrêmement ambitieux en interne. Et Clémence Duneau, la réception de cette série, c'était... dans les excroissances du jeu vidéo, d'habitude on a des films qui spéculent sur une licence, mais là ça a été une grosse claque quand même. Oui, c'est vrai que déjà c'était attendu au tournant, tout le monde attendait ça depuis des années, et en même temps pas grand monde avait réussi, on va dire, cet exploit à fournir une histoire vraiment complexe, sensible, ce que Arkane réussissait à faire. Pour rebondir justement à ce que, enfin, j'en parlais tout à l'heure, l'interview avec Christian Linke, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait, c'est une stratégie que j'ai l'impression est assez assumée chez Riot Games, de se dire, bon, on a un jeu vidéo, mais en fait, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça, en fait. La durée de vie d'un jeu vidéo, c'est difficile de pouvoir se projeter là-dedans. Et donc, ils se sont dit, bah, en fait, on a une matière qui est assez extraordinaire, avec puis des personnes en interne qui sont capables de produire de la musique, avec des compétences. Pourquoi est-ce qu'en fait, on deviendrait pas une sorte d'industrie médiatique, en quelque sorte, de créer nos propres contenus? Donc, c'est pour ça qu'il y a des bandes dessinées maintenant, qu'il y a de la musique, donc des groupes de K-pop, qu'il y a la série. C'est quelque chose, c'est une stratégie complètement assumée. Et lui-même disait que bah, c'est aussi pour penser à l'avenir aussi de Riot Games, qui se sont lancés dans Arkane. Et effectivement, c'était un pari très audacieux, mais qu'ils ont... enfin, vraiment réussi. C'est même, enfin, même les fans de League of Legends étaient presque surpris, je pense, de voir à quel point c'était bon. Jean-François Maurice, on est parti d'un jeu vidéo qui a donné un dessin animé, un film d'animation, enfin, incroyable. Il y a un autre très bon jeu qui est sorti sur Nintendo Switch, Rain King, pareil aussi avec les aficionados du comic book Battle Chaser seront en terrain connu, ou Darksiders. Et aujourd'hui, on voit qu'avec Arkane, il y a une franchise qui se fait connaître par un nouveau public. Et est-ce qu'il n'y a pas, paradoxalement, l'envie d'avoir un jeu vidéo qui reprend, mais les personnages d'Arkane sous une autre forme? Ça serait... forcément possible. Alors, Julie doit avoir peut-être des infos confidentielles qu'elle ne partagera pas forcément là-dessus, mais effectivement, ça a une logique. En tout cas, il y a une chose qui est très importante à dire, c'est qu'Arkane, c'est un chef-d'œuvre, déjà. Voilà, effectivement, réalisé par le studio Fortiche, qui est dans le 13e à Paris. Et on n'a pas besoin de connaître League of Legends pour apprécier Arkane. Ça totalement. Me semble juste essentiel. C'est-à-dire que c'est assez marrant en même temps, parce que c'est, on va dire, ah ben c'est une série d'animation inspirée d'un jeu vidéo. Si vous ne connaissez pas du tout le jeu vidéo, mais même de façon générale, en fait, ça ne vous bloque pas l'accès à Arkane, qui peut se comprendre vraiment sans aucun souci. Donc ça me semble être assez important de le dire. Après, effectivement, l'idée pour Riot Games, c'est d'aller sur d'autres terrains. C'était KDA, c'est ça aussi, hein, la musique, etc. D'aller, effectivement, je crois qu'ils vont peut-être y revenir. Ils ont évoqué des choses récemment là-dessus pour dire que la musique, c'était peut-être pas fini. En tout cas, ils reviendront aussi, effectivement, avec la nouvelle saison d'Arkane qui est d'ores et déjà programmée pour Netflix. Si Julie, tu as une date, n'hésite pas à la donner. Non, elle fait non. Non, j'en ai alors, pas. On va dire prochainement, en tout cas. Moi, je suis allé l'année dernière, cette année, chez Fortiche pour voir ils étaient déjà en train de travailler à la nouvelle saison, en fait, qui n'avait pas été annoncée. Mais ils étaient déjà dessus, donc on peut parier que fin 2023, on devrait avoir des nouvelles d'Arkane. Voilà, c'est des bonnes nouvelles. C'est la fin de cette émission. Julie Janot, Clémence Dunot et Jean-François Maurice, merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Camille Maty. Elle a été préparée par Manon Rax, Aurore Mansip et Emma Ferret, avec l'aide de nos stagiaires Benjamin Woodcock et Alice Galtier. On remercie également très chaleureusement Alexandre Chenet à la technique et François Saint-Jour au mixage. Vous connaissez la chanson, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Heroes don't die. They're reborn as legends. Demain, elle n'aime rien ni personne. Elle a un chat nommé Ajax qu'elle martyrise. Son meilleur pote s'appelle Magnus, mais il n'existe pas. Cependant, les enfants l'adorent. Demain, on parle de l'héroïne best-seller de bande dessinée Mortel Adèle en présence des auteurs. Et exceptionnellement, vous pourrez nous appeler tout au long de l'émission au 01 45 24 7000 pour leur poser directement toutes vos questions. Après le journal, vous allez retrouver Sonia Chironi pour Un Monde Nouveau, qui est avec nous. Bonsoir Sonia. Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Quel est le programme aujourd'hui, s'il vous plaît? Eh bien, ce soir, à l'heure où vous êtes nombreux à reprendre le chemin du bureau, on va parler du futur du travail avec la philosophe Julia de Funès. Et on recevra le metteur en scène Mohamed El Khatib, qui a créé un centre d'art dans un EHPAD. Ah bah, gros programme. Bonne idée, gros programme, bonne idée. Bonne idée. Et puis pour le travail, on va voir ce qu'on peut faire. France Inter. Vous aimez ce podcast? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.